Elle est franc, à cœur ouvert. Là-dessus, je suis en train de préparer des places assises pour qu'on invite un invité très spécial qui va venir vous envoyer chier. Ben oui, il est là. Il y en a un qui dit « Oh, cool! » Donc, Charas de Meux, j'ai l'impression que ça va être ton tour de venir. Tu m'as demandé de mettre seulement une chaise pour toi, parce qu'une chaise, c'est assez. T'en as pas besoin de deux, genre. Et voilà, donc, oui, Charas, pour une petite entrevue spéciale, on va discuter de manière très casuelle, comme le disent certains. Et voilà. J'en veux pas de chaise, moi. OK, pas de chaise, c'est pour les femmes. Donc, Charas, mesdames, messieurs, c'est Meux. Oui, oui, on l'applaudit. Charas et Meux, c'est qui, toi? C'est la chienne à coke. Donc, bonsoir, Charas. Très content de t'avoir avec nous. C'est pas ta première fois. Toi, t'es un habitué. Non, puis ça me fait toujours chier de venir ici. Voilà, ça commence bien. Donc, wow, je suis très content de voir que t'es accompagné. Ça fait le changement de ton... Qu'est-ce qu'on peut lire sur... Ah! Tabarnak! Donc, comment doit-on appeler cette personne? Est-ce que c'est ta blonde, ta mère, ta... Ta gueule, esti! Tu le vois bien ce qui est écrit sur son sac, sacrement, c'est écrit « Chienne à coke ». Tu sais pas lire, esti! Puis il y a l'emplacement idéal aussi, si je suis trop saoul, c'est écrit « Trou pour se faire sucer ». Fait que ça pointe vers sa gueule, puis c'est dread de même. C'est ma chienne à coke! Je suis content que tu nous la partages ce soir. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle juste chienne, c'est tout. Rien de plus. Est-ce que je peux lui parler directement? Absolument pas, parce qu'elle a rien à dire, premièrement. Deuxièmement, c'est moi qui parle pour elle. Et troisièmement, elle sait même pas parler français. D'ailleurs, je sais même pas quelle calice de langue qu'elle parle, sti. Ça doit pas être tout le temps évident pour communiquer ensemble. Comment vous faites pour échanger de l'information? Mais pour ça, j'ai une technique bien simple. J'ai la petite laisse ici là, que je tire quand que je veux qu'elle suive. Si elle comprend pas ou qu'elle bug, ben j'ai ça ici, j'ai rien qu'à y montrer ça. Oh! Tabarnak! Fait que ça avec ça... Hein, elle a réagi, là. Vous voyez tout le monde, là? Oui, oui. Attends un peu, attends un peu. Petit sachet de substance poudreuse, on le reconnaît. Hey! Tabarnak! Garde-toi! Puis sinon, oui, pour le reste, là, ben, quand elle n'a vraiment pas le... J'ai appris l'essentiel de la langue française. Donc, elle comprend les mots « fourré » puis « sucé ». Pas tout de suite, tantôt. Sinon, ben, la question évidente qui vient aux lèvres de tout le monde, c'est pourquoi est-ce que chienne a un sac sur la tête? Mais parce qu'elle a pas de besoin de pas en avoir. C'est simple. Comment s'est faite votre rencontre romantique? J'imagine un petit peu la scène, tranquillement. Je me rappelle même pas comment que je l'ai rencontré. Je me suis réveillé un matin hangover puis elle était couchée avec moi. Fait que justement, c'est pour ça là je l'ai bien usé comme faut. Elle trouve slack que le calice. Fait que je viens ici utiliser mon statut de vedette mondiale pour me trouver un autre trou. Ça fait que même si je suis bien en manque, j'ai quand même mes critères. Fait que toi je te vois là-bas, si là, y'a qu'à te voir la face, je le sais que t'es slack comme une calvite. Toi t'es trop grosse! Toi, t'es trop laite! Fait que, calice, moi, je cherche une fille qui mesure 2 pieds 4 à peu près, qui m'arrive ici avec la tête plate, que je peux s'accoter ma bière dessus, avec des grandes oreilles pour y tirer après quand que je la gague! Pis pas de dents! Fait que, comme je vois qu'il y a personne qui correspond à ça ici, là, ben, il m'a calissé mon camp! Chienne! Fourrée! C'était Meux, Charas, de toute beauté. Merci, Chien à coke, c'était un plaisir de te rencontrer. Je vous souhaite une longue vie remplie de bonheur. C'est tout le temps plaisant hein, de recevoir une telle dose de vérité actualisée en pleine face comme ça. Merci Charas, à chacune de tes présences, c'est un baume. T'es comme revenu aussi resacraliser l'événement parce que ça nous fait du bien de nous faire envoyer chier de fois de temps en temps. Là-dessus, ben, les équipes peuvent décaler que commence à arriver. La suite du spectacle, ça va être, check et ben, on va avoir un gâteau au jambon tantôt. Il va y avoir des morceaux à vendre. C'est fait par notre chef cuisinier en chef, c'est-à-dire Fred Lacroix. Il va passer tantôt avec ça. Sinon, ben, on vient...